Merci Manou Farine. Ce n'est pas l'homme qui fait la guerre, c'est la guerre qui fait l'homme, ou l'inverse. D'où nous vient ce tempérament belliqueux ? Est-il inhérent à notre espèce ou une stricte construction sociale ? Plus de 6000 personnes sont allées au point le plus haut du monde, au sommet de l'Everest, mais seulement 3 au plus bas, dans la fosse des Mariannes. La Chine veut explorer ses fonds marins encore très largement méconnus. Et enfin, qui ne s'est jamais laissé happer sur Internet par des vidéos de très grands ralentis où l'on voit une goutte d'eau s'écraser ou un ballon exploser ? Une nouvelle technique d'imagerie permet de transformer votre téléphone en caméra slow motion. L'homme guerrier, les grands fonds marins et l'image ralentie, c'est le programme fourni qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et eux sont tous sauf belliqueux, sauf paraît-il à certaines heures de la nuit et dans certaines configurations des planètes. Ce sont les camarades du vendredi. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction du magazine Pour la Science. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Rédacteur en chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, Science et Avenir. Et pour la dernière fois, avant un petit bout de temps, puisqu'il s'envole dans quelques jours de l'autre côté de l'Atlantique pour poursuivre sa brillante carrière de chercheur. Bonjour Guillaume Duret. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. De la chaîne YouTube Projet Lutécium. Mais avant de vous retrouver, elle est celle qui n'est pas venue pour apporter la paix sur la Terre, ni le glaive d'ailleurs, mais les toutes dernières nouvelles de l'actualité scientifique. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et on commence ce journal des sciences, on pourrait l'appeler le journal des fiances, puisque une étude parue dans Science revient sur l'évolution du langage et les sons V et F notamment, d'où le journal des fiances qui sont apparus tardivement. Oui, ces sons labio-dentales qui sont produits avec la lèvre inférieure qui va vers les dents supérieures. Et bien selon cette étude, ces sons sont apparus suite à l'invention de l'agriculture au néolithique. Alors c'est une théorie qui était déjà suggérée en 85 par le linguiste Charles Oquette. Il a créé un vaste répertoire phonétique et déjà il insinuait que l'existence de certains sons chez certaines populations différait selon l'alimentation et selon la pratique de l'agriculture. Et alors c'est cette idée-là que cette équipe internationale a voulu tester. Après une analyse statistique pour vérifier les corrélations, les chercheurs ont ensuite mis au point un modèle biomécanique, un modèle détaillé du visage humain pour observer le mouvement de l'appareil articulatoire, parce que selon l'alimentation, l'effort masticatoire n'est pas le même. Alors comment la modification de notre mâchoire et de notre denture a pu modifier nos systèmes de communication ? Dan Dedieu est linguiste à l'université de Lyon 2 et il est l'un des auteurs de cette étude. Ce qu'on a fait, c'est vraiment de développer une simulation de l'articulation des sons labio-dentales, donc des FEV. Et l'avantage de faire ça, on peut mesurer très exactement l'effort de tous les muscles qui sont impliqués dans la production de la parole. Après, ce qu'on a fait, une sorte d'analyse historique qui nous permet de quantifier, d'estimer la probabilité que des langues anciennes avaient des sons labio-dentales. Donc vraiment, on a utilisé des méthodes qui viennent de la biologie de l'évolution, donc de la phylogénétique. Et ça nous a permis de reconstituire les étapes plus des langues indo-européennes qui sont plus anciennes, qui est la langue mère de toutes les langues indo-européennes. Et donc on peut estimer la probabilité que le proto-indo-européen, par exemple, utilisait des F et des V. Ce qu'on fait ici, c'est de montrer qu'il y a une causalité assez complexe parfois. Donc il y a des changements culturels, l'invention, la découverte de l'agriculture, qui génèrent un changement sur la biologie des locuteurs. Donc vraiment, il y a un changement dans l'anatomie du tract vocal. Et ce changement dans le tract vocal a pour conséquence un changement linguistique. Alors c'est une étude qui fait déjà débat dans la communauté scientifique. D'une part parce qu'en linguistique, on explique les changements de langue par des choses qui sont purement culturelles, qui sont détachées du biologique, et d'autre part parce que cette recherche contredit la théorie selon laquelle la diversité phonétique du langage humain existe depuis le début, depuis l'apparition de notre espèce il y a 300 000 ans. Alors faire un lien aussi direct entre l'alimentation et les capacités linguistiques pour la discipline, c'est très novateur. Jean-Marie Humbert est professeur émérite de linguistique à l'Université Lyon 2. Il est l'ancien directeur d'un programme de recherche Origines de l'homme et du langage. À ses yeux, cette étude est importante. Avec la méthode linguistique, ils peuvent remonter au maximum jusqu'à 8, 9, 10 000 ans en arrière. Et on sait bien que le langage humain est apparu à une époque beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancienne. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les linguistes ne s'intéressent pas du tout, ou très peu, à la manière dont la production de la parole a pu se produire depuis quelques dizaines de milliers d'années. Donc, il y a un gros gap entre ce que les linguistes peuvent dire avec les données linguistiques, encore une fois, jusqu'à 8 ou 9 000 ans, et l'apparition du langage humain. Les linguistes qui s'intéressent à cette partie-là n'ont jamais regardé l'évolution des capacités articulatoires des Homo sapiens sur cette période. Je pense que la plupart des linguistes ne sont pas d'accord avec ça. Encore une fois, les gens pensent que toutes les langues existent depuis un certain nombre de milliers d'années, mais qu'il n'y a pas eu de changement lié à la modification de l'appareil articulatoire. L'histoire entre nature et culture, c'est compliqué chez les linguistes. C'est un vaste débat, nature et culture. En bref, pour la première fois, et c'est une bonne chose, le prix Abel, qui est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, a été remis mardi à une femme, Karen Uhlenbeck. La mathématicienne américaine est spécialiste des équations aux dérivées partielles. Son travail a parmi les avancées en mathématiques les plus importantes de ces 40 dernières années. Alors, elle est aussi militante pour plus de parité dans le monde scientifique. Elle a fondé l'Institut des femmes et des mathématiques. Il faut tout de même rappeler que depuis 1901, elle n'est que la 21e femme à recevoir une récompense scientifique prestigieuse. Par ailleurs, une autre mathématicienne a été récompensée la semaine dernière, la Française Claire Voisin. Elle est la lauréate 2019 du prix Lauréat UNESCO et nous l'avions reçue à la méthode scientifique. Et on vous met le lien vers cet entretien, vers cette émission, également vers une autre émission que nous avions consacrée. On en parle souvent autour de cette table à la place des femmes dans la science. Tout ça sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC. En bref, toujours au Japon, des chercheurs ont obtenu un signe d'activité de cellules de mammouth. Oui, elle provenait d'un bébé mammouth découvert en 2012 en Sibérie. Et les noyaux des cellules ont été implantés dans des ovocytes de souris. 5 d'entre eux ont montré les signes d'un début de division cellulaire, mais seulement d'un début. Ça n'a pas abouti à une division cellulaire et donc à la reproduction d'un mammouth. On est loin encore du premier clonage de mammouth. Les dommages subis par les cellules sont trop profonds, nous dit l'étude. Mais cela signifie que 28 000 ans plus tard, une activité cellulaire est encore possible. Deuxième sujet de ce journal des sciences, selon une étude parue dans InNeuro, le cerveau humain serait sensible aux champs magnétiques terrestres. Alors la magnétoréception, c'est quelque chose de très documenté chez de nombreuses espèces vivantes, de la bactérie aux abeilles en passant par les pigeons. Pour l'humain, c'est encore très débattu, c'est encore un peu confus, mais il y a une tendance actuelle avec différents schémas expérimentaux qui vont dans ce sens. Alors selon les auteurs de cette étude, la sensibilité aux champs magnétiques serait une donnée sensorielle dont nous n'aurions pas conscience. Alors le protocole de l'expérience. Des volontaires ont été placés dans une cage de Faraday, dans le noir, les yeux bandés, et grâce à des bobines électromagnétiques, le champ magnétique changeait de direction. L'analyse encéphalogramme a montré qu'il y avait un changement dans l'activité du cerveau de la plupart des participants. Sébastien Boller est docteur en neurobiologie et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Pour lui, cette étude n'est pas conclusive, il reste dans l'expectative, mais cela ouvre des hypothèses passionnantes. En réalisant ces variations de champ magnétique, ils ont effectivement observé un changement dans un paramètre de l'activité d'électroencéphalographie du cerveau humain qui est les ondes alpha. Les ondes alpha, c'est des ondes qui présentent des oscillations de 10 Hz environ, c'est-à-dire de 10 fluctuations par seconde. Chez de nombreux participants, quand on bouge le champ magnétique dans la cage de Faraday, eh bien on voit ces ondes alpha qui diminuent d'intensité de l'ordre de 50%. Le résultat est assez étonnant parce que voilà, ça suggère quand même qu'il y a un effet du champ magnétique sur le cerveau. Ça s'oriente plutôt vers l'hypothèse selon laquelle il y aurait un ferromagnétisme du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau contiendrait des particules probablement de magnétite, donc c'est un oxyde de fer dont on sert pour fabriquer les aimants, et qui est donc réceptif aux variations du champ magnétique environnant. Et il se trouve que, effectivement, j'ai regardé, c'est quelque chose qui semble attesté par des récents résultats à l'université de Munich, l'an dernier, une étude qui montrait qu'il y avait effectivement de la magnétite dans le cerveau, dans les cerveaux humains analysés post-mortem. Donc l'étude, quelque part, prétend avancer quand même, voilà, en disant que notre cerveau est doté de ce sens du magnétisme grâce à des grains de magnétite qui seraient logés dans nos neurones. Et en bref, l'Assemblée nationale a voté avant-hier la suppression du numerus clausus pour les étudiants en médecine. Actuellement, il n'y a que 8000 places en deuxième année de médecine, alors qu'ils sont plus de 59 000 en première année. Cette limitation du nombre d'entrées prendra donc fin dès la rentrée 2020. Selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn, supprimer ce quota permettrait d'augmenter de 20% le nombre de médecins formés. Les futurs critères de sélection des étudiants restent à définir. Il y aurait un anneau de poussière autour de Mercure. Trop petit, trop proche du soleil et de ses tempêtes, on ne pensait pas que Mercure pouvait capturer un anneau de poussière. Et ce serait un anneau d'une largeur d'environ 15 millions de kilomètres. C'est grâce aux images des satellites stéréo de la NASA que les scientifiques ont remarqué une brillance accrue autour de son orbite. Alors rechercher des anneaux de poussière dans notre galaxie, c'est comme lire les cernes d'un arbre. Ces anciens débris peuvent nous aider à mieux comprendre la formation de notre système solaire. Et on termine comme chaque semaine avec notre rubrique de science improbable. Et ça y est, cette fois-ci, c'est sûr. Après la 274 millième étude à ce sujet, on a trouvé l'identité de Jack the Ripper. On ne s'en lasse pas. Jack l'Éventreur, on ne s'en lasse pas. Les deux chercheurs britanniques assurent que cette fois-ci, c'est la bonne. Sur le châle d'une des victimes, conservé au musée du crime de Scotland Yard, on y trouve des traces de sang et de sperme. Alors après une analyse ADN et des tests génétiques sur les descendants vivants, bingo, il s'agirait d'Aaron Kosminski, le barbier polonais de 23 ans qui était l'un des principaux suspects à l'époque. Sauf que l'authenticité du châle, la pièce à conviction, est déjà discutée. Mais moi, il me semblait que c'était lui. Enfin, toutes les études disent que c'est toujours Kosminski. Enfin, on le sait depuis 1000 ans, non ? Non, je crois qu'il y a, il y a encore beaucoup de débats. Hein, et puis... Après tout, la question, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de savoir, hein, parce que c'est un mythe qui est tellement fécond. On a tous lu Alan Moore. Mais oui, il faut relire From Hell, l'extraordinaire roman graphique d'Alan Moore à ce propos-là, qui est bien mieux. Moi, je veux la version d'Alan Moore. Et dans lequel ça n'est pas. Non, c'est pas Kosminski du tout. On va pas divulgâcher. Merci beaucoup, Natacha, pour ce journal des sciences tout de même. Faites attention en rentrant chez vous, hein, parce qu'on sait jamais. Peut-être un petit tour de table. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont donné envie de réagir? Cécile ? Oui, l'étude sur l'apparition des consonnes V et F là, chez les hommes du néolithique. C'est toujours intéressant qu'on s'intéresse à ce sujet. Enfin, qu'on s'intéresse à l'appareil phonatoire de nos ancêtres, c'est pas tout à fait nouveau. Moi, je me souviens de très, très, très anciennes études, notamment sur l'appareil phonatoire de Néandertal, et qui voulaient absolument prouver que Néandertal ne pouvait pas parler comme nous. Mais comme on le sait, on a toujours été très réticents à se dire que Néandertal était intelligent, donc pouvait avoir un langage proche du nôtre. Voilà. Après, je suis pas tout à fait sûre que cette étude-là soit totalement concluante. Ça serait intéressant de voir jusqu'à quel point, effectivement, j'ai l'impression que l'invention du feu a beaucoup plus changé, qui est beaucoup bien antérieure au néolithique, évidemment, a beaucoup plus changé la consistance des aliments que nous pouvions ingérer que le simple fait d'être agriculteur. Mais à voir. Et puis, il reste toujours ce doute quant à savoir si, effectivement, on a longtemps dit que la capacité à parler était une conséquence, en fait, était née du redressement et du déblocage, finalement, de certaines pièces de la gorge. Oui, enfin, c'est évident que le langage s'ancre dans une réalité biologique. Voilà, pour parler, il faut le cerveau pour parler, mais il faut aussi l'appareil phonatoire pour parler. Quoique, comme on le sait, le langage des signes est une vraie langue, donc... Voilà, mais pour la plupart des gens quand même, effectivement. Et donc, c'est lié à ça. L'appareil phonatoire, mais aussi, effectivement, l'ouïe. Si vous pouvez pas entendre les sons que l'autre prononce, ça ne marche pas. Donc, il y a une réalité biologique qui donne des contingences à notre possibilité de parler. Une réalité biologique, mais aussi, effectivement, mécanique. J'ai pensé, moi aussi, à l'arrivée de la bipédie, qui, me semble-t-il, chez certains auteurs, est mis en relation, comme vient de le dire Nicolas, avec l'arrivée du langage. Donc chez certains auteurs en tout cas, je crois, qu'il y ait une incidence sur des modifications mécaniques qui sont liées à la mastication, la dentition change avec le régime alimentaire, ça peut paraître une hypothèse en tout cas qui mérite d'être creusée. Quoi. Un mot aussi peut-être sur le prix Abel, sur ce prix L'Oréal. Guillaume ? Ouais, moi juste petite remarque marrante, j'étais en train de me balader dans la rue il y a deux jours et je tombe sur un panneau avec une photo de Claire Voisin. Bien sûr. De L'Oréal pour la science. Pareil, moi c'était à un aéroport la semaine dernière. Voilà. Et je trouve ça génial de voir des mathématiciennes femmes comme ça mises en avant, alors que c'est toujours des stars de cinéma ou des... Enfin voilà, moi je reconnais les mathématiciennes dans la rue et pas forcément les mannequins ou des choses comme les ça. Les stars de cinéma, c'est tout à votre honneur. Non mais c'est surtout les mathématiques dont on a longtemps dit que c'était l'un des domaines scientifique vraiment très très masculin, très réservé, les mathématiques, la physique, bien là, deux mathématiciennes enfin Cécile, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Jeune fille, faites des maths et vous aurez le prix Abel à 76 ans. Mais quand même, allez-y, les choses vont changer, bien sûr. Bah, accessoirement, ça permet de parler aussi du prix Abel, parce que effectivement, il n'y a pas de Nobel de mathématiques pour des raisons diverses et variées qui prêtent aussi à des supputations multiples sur les intentions d'Alfred. Mais le prix Abel, c'est vraiment le Nobel des maths. On connaît la médaille Fields, qui est différente par nature puisqu'elle est décernée à des gens qui ont moins de 40 ans et qui est plus un accélérateur de carrière qu'un vrai couronnement. Et qui est remis tous les 4 ans. Et tous les 4 ans. Donc à cet égard, le fait qu'elle ait 76 ans, c'est pas non plus une aberration, quoi. Peut-être aussi un mot sur ces questions de magnétoréception qui posent question. Est-ce que vous pouvez dire, là, tous autour de la table, est-ce que vous pouvez pointer vers le nord? Non, c'est un échec total. Non, non, mais mes ancêtres tortues de mer pouvaient le faire, mais moi je n'y arrive pas. Moi. Non, mais c'est vrai que ce sont des études qui sont encore très contestées. Et pourtant, si, hein, on sait, hein, je veux dire, c'est attesté dans un certain nombre d'espèces animales. On sait qu'il y a des animaux qui se, notamment des oiseaux migrateurs, hein, qui utilisent le champ magnétique pour s'orienter. Finalement, pourquoi pas nous? Oui, les pigeons, hein, je crois, les pigeons ont ça dans le cerveau. Quand des découvertes de cette nature-là surviennent, on est toujours... ma première réaction, moi, en tout cas, c'est de nous dire, tiens, depuis l'émergence d'Homo sapiens, on devrait avoir fait le tour des organes dont nous sommes pourvus. Alors effectivement, aujourd'hui, on a des dispositifs d'expertise pour fouiller les entrailles du corps humain qui sont pas ce que c'était dans le passé. Donc on peut trouver des petits machins qui jusqu'à présent étaient passés inaperçus. Mais enfin, si aujourd'hui on arrivait à trouver qu'il y a des dispositifs de l'ordre de la boussole qui sont dans le cerveau de l'homme et de la femme, ça serait quand même très très étonnant. De l'être humain. Et puis si un tout dernier mot aussi, peut-être sur le numerus clausus. C'est un serpent de mer, ça fait longtemps. Enfin, oui, Olivier. Moi, c'était pas directement sur le numerus clausus, mais c'est sur les problématiques de la formation. Il se passe beaucoup de trucs en ce moment au niveau politique, à l'Assemblée nationale. Là, ça concerne le secondaire, de jeunes gens qui sont très avancés dans leurs études. Au niveau, Blanquer est en train de faire passer une loi qu'il a appelée, pour l'éducation de la confiance. Et qui est très très surprenante. Il y a par exemple un amendement qui plaide pour la suppression du poste de directrice ou de directeur des écoles élémentaires. C'est vraiment des choses dont on parle pas beaucoup dans les médias. C'est passé un petit peu en catimini, c'est un amendement, c'est passé la semaine dernière. Or, ça peut avoir des incidences sur le rapport dès le début dans la formation et dans l'éducation, dans le rapport qu'on a à ses profs, à son enseignement, à l'accession au savoir, et c'est assez perturbant. Il y a des choses beaucoup qui se passent qui ne sont pas très claires, quoi, au niveau de l'éducation nationale. Cécile ? Je dirais que c'est difficile d'avoir des avis tranchés sur la question. On sent bien que la question de l'éducation est absolument primordiale pour nous. C'est même pas la peine d'argumenter. On le sait pour l'avenir, pour aujourd'hui. Et on voit bien qu'on a aussi beaucoup de mal à trouver les solutions parce que... voilà, je pense que ça fait des gouvernements et des gouvernements, des ministres de l'éducation suivis d'autres ministres de l'éducation qui essayent de trouver la bonne voie. Et on ne cesse de dégringoler dans les tests PISA, par exemple, et tout ça. Donc, je souhaite bonne chance à Monsieur Blanquer. Très sincèrement, c'est pas du tout ironique. Allez, on commence ce tour de table du vendredi avec un premier sujet. Je le disais tout à l'heure, je ne suis pas venu apporter la paix sur terre, mais le glaive. Vous avez peut-être reconnu cette citation, c'est un certain prophète qui est devenu messie dans l'une des religions monothéistes que je vous laisse retrouver par vous-même. Alors l'homme est-il un loup pour l'homme, s'interrogeait quelques siècles plus tard un philosophe. Bref, sommes-nous programmés pour faire la guerre, pour nous entretuer en tant qu'espèce, ou s'agit-il d'un trait culturel? C'est une question passionnante et qui passionne effectivement les scientifiques depuis belle lurette, et à laquelle peut-être on commence à avoir quelques éléments de réponse, Cécile. Oui, dans le dernier numéro de Pour la science, nous avons donné la parole à Brian Ferguson, qui est un professeur d'anthropologie à l'université Rutgers à Newark, aux États-Unis, qui fait le point sur la question. Comme vous l'avez très bien résumé, Nicolas. Cool. La question est, quelle est l'origine de la guerre? L'origine vraiment de la guerre, pas de la violence, hein, c'est-à-dire de la violence collective et organisée, et pas uniquement le fait d'oscir son voisin ou son rival amoureux. C'est pas exactement au même niveau. Il y a donc deux thèses. Une qui veut dire que c'est vraiment inné, peut-être inscrit dans le gène, voilà. Et la deuxième thèse est qu'effectivement, c'est lié à l'évolution des sociétés, à la complexification des sociétés. Donc, dans le monde de l'anthropologie, on dit qu'il y a deux clans, le clan des faucons et le clan des colombes. Je vous laisse deviner qui sont les faucons, qui sont les colombes. Et donc, Ferguson fait le point là sur tous les arguments qu'on peut avoir dans un sens comme dans l'autre. Donc, quels sont les indices, en fait, qui peuvent nous dire que nos ancêtres se faisaient la guerre, voilà. Alors, évidemment, quand on est dans l'histoire, on peut avoir des documents écrits, mais dès qu'on remonte plus haut dans le temps, ce n'est évidemment plus possible. Il y a quand même peut-être des indices dans l'art pariétal, voilà. Notamment, on a trouvé dans la grotte Cosquer et dans celle de Cougnac des dessins d'hommes, d'êtres humains en tout cas, visiblement, avec plein de petits traits. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors certains l'interprètent comme effectivement, ce sont des marques de viol, au moins de violence, et voilà. Et d'autres disent, ce sont peut-être des pratiques chamaniques ou quelque chose. Enfin, de toute façon, on ne peut pas savoir. Difficile à interpréter. Ouais. En revanche, on a retrouvé en Espagne des peintures beaucoup plus récentes, hein, qui datent de entre 8 et 5 000 avant notre ère. Voilà, c'est l'art du Levant. Et là, on voit qu'il y a vraiment, enfin, ou alors on est très mauvaise foi, que les gens se battaient entre eux. On voit des archers, des embuscades, des exécutions. Donc, on peut se dire qu'à partir de ce moment-là, enfin, ça remonte pas très loin. Là, on est très tard, finalement, dans le, chez l'homme moderne, tout à fait. On en est sûr. Absolument. C'est nous. Voilà. C'est nous, c'est déjà le néolithique. Enfin, bon, c'est autre chose. En tout cas, on est en cours de néolithisation. Donc, voilà. Alors, il y a les armes, évidemment. Mais pareil. Alors, les armes ne disent franchement pas grand-chose. Parce que, quand on arrive à l'âge du bronze et qu'on trouve vraiment des armes défensives, des boucliers, des casques et tout ça, et qu'on retrouve parce qu'ils sont en bronze, évidemment on peut le dire, mais pareil, ça nous remonte pas très loin. Et voilà, et en fait, il est très très difficile de savoir, de faire le distinguo entre une arme de guerre, une arme de chasse, un outil, et l'un pouvant être l'autre d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est très difficile de savoir. On a retrouvé par exemple en Allemagne une trace vraiment de massacre d'il y a à peu près 5000 ans avant notre ère, mais on sait que les gens ont été massacrés à l'herminette. L'herminette, c'est un outil pour travailler le bois. Donc voilà, est-ce qu'à chaque fois qu'on trouve des herminettes, les gens se faisaient la guerre? On ne sait pas non plus. Et là c'était tout un village. Hein. C'était une sépulture où on retrouve effectivement... On est sûr qu'il y a un massacre. Voilà. Mais l'arme n'est pas un signe qu'on peut se dire, c'est une arme de guerre. Voilà, évidemment, il y a aussi les traces de fortifications, mais là, on voit très bien que ça ne répond absolument pas à la question des chasseurs-cueilleurs mobiles, parce que par définition, les chasseurs-cueilleurs mobiles ne faisaient pas de fortifications, vu qu'ils ne restaient pas au même endroit. Alors évidemment, il y a les blessures. Les blessures, c'est très intéressant. Mais évidemment, le biais, c'est qu'on retrouve pas tant que ça d'ossements. Plus on remonte dans le temps, moins on en trouve. Le fait de trouver des traces de blessures, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est une blessure de guerre? On peut très bien avoir des blessures de guerre qui ne se voient pas sur les ossements. Évidemment, on peut l'imaginer tout ça. Donc ça, ce n'est toujours pas facile. Voilà, mais quand même... Voilà, ce qu'on peut dire de façon absolument certaine, c'est quand on trouve vraiment des traces de massacres, et le plus ancien que l'on connaisse à ce jour, voilà, qui semble vraiment lié à un acte de guerre, qu'on peut qualifier d'acte de guerre, c'est ce qu'on a, le site de Jebel Saaba, sur les rives du Nil, au Soudan. Et là, on a retrouvé une soixantaine de fossiles qui ont été enterrés ensemble. Donc, au moins une trentaine d'hommes, de femmes, d'enfants ont des traces de blessures très graves. Et voilà. Et bon, ça va pas. Et là, on est à quelle époque? Moins 12 000 avant notre ère. D'accord. Donc, on a remonté un peu. On a un peu remonté. L'échelle du temps. Voilà. Et les archéologues qui ont travaillé sur le site, ça va pas vous rassurer, disent que c'est probablement lié à un accident climatique. Ah. Oui, parce qu'il y a des conditions qui peuvent être réunies. Dans quelles conditions, en fait, est-ce que l'être humain commence à se faire la guerre? C'est une vraie question. Pourquoi? Pour quelles raisons? Alors, on voit bien qu'effectivement, avec le néolithique, voire même un peu avant, au mésolithique, quand les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont commencé à se complexifier, il y a des raisons. On voit apparaître certaines raisons de se faire la guerre. Le fait d'être effectivement sédentaire, d'accumuler des richesses à un endroit précis qui peuvent faire envie à la tribu voisine. La montée probablement des religions, la naissance des classes sociales, la naissance des classes de guerriers, tout ça montre que effectivement on a pu se faire la guerre à ce moment-là. Mais Là, vous n'êtes pas bien. En train de nous dire que c'est la propriété privée qui fait la guerre tout de même. On va vous taxer, vous savez où ça va. Oui, je sais. Ça va, mais ce qu'on peut voir quand même dans l'histoire, dans ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, et là effectivement dès qu'on s'approche de l'Antiquité, on retrouve beaucoup plus de choses, c'est que dans des régions différentes, mais à peu près au même niveau de complexité, on voit que les premières traces de guerre remontent à moins 12 000 ans, moins 8 000 ans, moins 10 000 ans. Là, on retrouve vraiment des choses. Et dans des régions similaires, notamment par exemple près de la Syrie, on retrouve rien avant moins 3 000, donc moins 3 000 avant notre ère. Au Japon, par exemple, aussi, on retrouve rien de vraiment probant avant moins 800 avant notre ère. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que d'autres forces sociales ont pu faire, ont pu empêcher cette montée-là? Est-ce que les liens de parenté, les alliances matrimoniales, les façons de gérer les conflits dans le clan, est-ce que ça a permis justement d'éviter la guerre? Finalement, les liens humains. Espérons-le, voilà. Mais la guerre, visiblement appelée la guerre, puisque elle s'est répandue partout. On le sait bien, tous les livres d'histoire en sont remplis. Donc, Ferguson ne cache pas le fait qu'il donne l'avantage au clan des Colombes. Mais il y a pour l'instant pas encore de preuves sûres et certaines. Voilà. Puis moi, juste pour le clin d'œil, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, je leur propose dans leur moteur de recherche préféré de taper « Origine de la guerre, Orlan » et peut-être qu'ils vont avoir une idée de quelle est l'origine de la guerre. Orlan étant une plasticienne française, la fameuse. Non, parce qu'il y a aussi du côté des faucons, des théories. Alors ça reste évidemment des théories, mais qui laissent entendre que finalement on aurait une sorte de complexion naturelle à la xénophobie, à l'ethnocentrisme, qui serait le résultat en fait de l'instinct de protection du noyau familial. C'est-à-dire que finalement on s'est étendu à plus pour protéger les siens, on déteste les autres. Oui, c'est évidemment possible. Et puis, on peut dire qu'on le constate encore de nos jours. Est-ce que pour autant les hommes ont fait la guerre? Ça, ce n'est toujours pas une preuve. Comment on peut canaliser la violence? Voilà. D'ailleurs, la naissance des États est aussi une façon de canaliser la violence. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait plus, mais ça, elle était canalisée. Donc, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de preuves. On peut se tourner vers nos amis les singes, évidemment, nos plus proches cousins. Voilà. Comme on sait, les bonobos sont forment des clans très pacifiques. Les chimpanzés sont plus violents. On peut aussi, c'est les bonobos, aussi controversé. On a un autre moyen de résoudre les conflits sociaux. Voilà. Peut-être que c'est celui-là qu'utilisaient nos ancêtres. Allez donc le dire à Orlan. Peut-être une réaction, Olivier. Alors, les bonobos, moi, je vous raconterai un jour comment je me suis fait arracher la chemise par un bonobo en République démocratique du Congo. Donc, c'est pas si pacifique que ça, le bonobo. Alors, moi, j'ai pensé effectivement aux primates, On voit avec les chimpanzés qu'il y a un rapport à la violence qui peut être très, très prégnant, Ils sont loin de l'image de l'intello pacifique de la planète des singes, par exemple. Donc, en tout cas, la violence et le goût de la guerre ne semblent être pas le propre de l'homme. Il y a des exemples dans le règne animal qui montrent que c'est la violence, un penchant qui peut être partagé. De la guerre, c'est ça qui se discute. De la guerre, évidemment, de toute façon, notre proportion à faire la guerre n'est pas née de rien. Elle est ancrée dans des choses qui sont chez nous et qui sont dans l'ordre des primates au moins. La violence, très certainement. La guerre, au sens de violence collective, organisée, planifiée, c'est encore autre chose. Il y a une question aussi un peu évolutionniste qui interroge finalement l'avantage d'être belliqueux par rapport à d'autres individus ou d'autres groupes d'individus qui seraient plus pacifiques. Est-ce que finalement la guerre, ce ne serait pas un avantage évolutionniste, Cécile? Oui, on peut effectivement défendre cette théorie. On peut aussi se dire que, en dehors de tout avantage évolutionniste, si vous aviez un clan pacifique, enfin, je caricature un petit peu, mais un clan pacifique, un clan belliqueux l'un en face de l'autre, le clan belliqueux a pris le pas parce qu'il est venu taper à coups de massue sur le clan pacifiste et c'est lui qui a gagné et qui a propagé cette façon de faire, qu'elle soit culturelle ou génétique, mais cette façon de faire. Donc voilà. Après, pour se rassurer, je pense qu'il faut relire Steven Pinker qui nous explique que nous sommes dans un monde de moins en moins violent, avec de moins en moins de guerres finalement. Et on en a besoin quand on a lu ce genre d'article. Guillaume. Et les conflits interespèces entre les genres, enfin entre le genre humain, il y a bien eu des conflits organisés entre Néandertal et Sapiens, ou pas? Est-ce qu'on en sait quelque chose? Ben, vu qu'ils se sont, ils ont trouvé aussi d'autres moyens de régler leur conflit, oui. Visiblement, oui. Vu qu'on retrouve des jeunes néandertaliens oui. parmi nous. Donc, il y a eu d'autres solutions. Uh-huh. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, peut-être pas pu y avoir des conflits, mais je ne crois pas que l'hypothèse aujourd'hui, d'accord. qui avait été mise à un moment que Sapiens s'est complètement éradiqué Néandertal à coup de massue, soit encore d'actualité. Stop the war now, arrêtez la guerre maintenant, chante Ewin Starr sur France Culture. Dans la méthode scientifique, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Et deuxième dossier cette semaine, nous allons plonger dans les profondeurs obscures et inexplorées des grands fonds marins. Parce que eh bien, si nous commençons à avoir, par exemple, une assez bonne connaissance du sol martien, figurez-vous que nous sommes à peu près totalement ignorants du plancher océanique aux grandes profondeurs. Un projet chinois, notamment, colossal, pourrait remédier dans les prochaines années à cette méconnaissance, Olivier. Oui, cette méconnaissance, elle a été chiffrée par l'Agence américaine d'observation atmosphérique et océanique, la NOAA, qui estime que 99% du plancher océanique, c'est-à-dire 70% de la surface de notre globe, demeure aujourd'hui inconnu. Donc c'est absolument incroyable. Et comme vous l'avez dit au début de l'émission, Nicolas, il y a 6000 personnes qui sont allées en haut de l'Everest, il y a 12 astronautes qui ont marché sur la Lune, à 300 000 km de nous. Mmh. Et en revanche, il n'y a que trois bons hommes qui sont allés au point le plus profond de la Terre, le Deep Challenge, qui est dans la fosse des Mariannes à 10 900 mètres de profondeur. Challenger Deep. Alors oui, parce que l'un de ces trois, c'est évidemment le réalisateur d'Abyss et de Terminator, James Cameron, qui était dans un sous-marin qui s'appelle Deep Sea Challenge. C'est des noms qui sont très difficiles à retenir. Deep Sea Challenger, voilà, j'ai refait la démonstration. Il a plongé en 2012. Avant, c'était en 1960. Un binôme, le Suisse Picard et l'Américain Don Walsh, qui avait plongé dans un bathyscaphe. Mais hormis ces trois personnes, personne n'est allé à ces profondeurs-là. Alors effectivement, aujourd'hui, 50 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune, il y a de nouveaux projets qui bourgeonnent de ci, de là pour aller au fond des océans. Alors il faut préciser que c'est des défis techniques, que c'est très très dangereux, que c'est très compliqué à mettre en œuvre de descendre aussi profond. Il y a évidemment la question de la pression qui atteint des sommets, si je puis dire. Tant et si bien que l'un des prétendants à ce voyage au fond de la fosse des Mariannes, c'est un aventurier américain qui aujourd'hui est, il a fait fortune, c'est un ancien trader, c'est un américain qui s'appelle Victor Vescovo, et il s'est fait fabriquer un bathyscaphe à deux places, qui a été façonné dans une coque d'un seul tenant en titane pour éviter justement des points de fixation, des zones de soudure qui pourraient péter quoi, hein, tout simplement à des grandes profondeurs. Alors ce bathyscaphe, il faut aller le voir sur internet parce qu'il a vraiment il a une bonne bouille SF. Hein, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. Ça donne envie. Et il a été testé dans des centres d'expérimentation en Russie à des pressions équivalentes à celles qui existent à 13 000 mètres de profondeur. Donc ça veut dire dans des conditions qu'il ne connaîtra jamais, puisque sur Terre, ça s'arrête à 11 000. Et du coup, lui il a fait les sommets. Maintenant, il veut faire les zones les plus profondes des 5 océans. Il a commencé, il a réussi déjà. Oui, cette expédition donc qui est vraiment au croisement de l'aventure. On a l'impression que c'est un gars qui a fait, je sais pas comment dire en français, il y avait un film qui s'appelait Bucket List. Il avait fait sa liste des des trucs qu'il voulait réaliser avant de mourir. Et lui, c'était les sommets les plus hauts, il les a fait. Et maintenant, il veut aller dans les profondeurs les plus extrêmes. Et il a fait une liste comme ça de 5 destinations qui sont réparties un peu partout dans le monde. Il en a déjà... Il a déjà visité une, puisque en décembre 2018, il a plongé avec ce fameux bathyscaphe au fond de la fosse de Porto Rico, au large de l'île du même nom, qui est dans l'océan Pacifique. Et ça fait quand même 8376 mètres de profondeur. Et tout au long des 11 mois qui viennent, il va voyager sur 74 000 kilomètres dans différents sites de la planète. Il va aller dans la fosse des îles Sandwich, à l'extrême sud de l'océan Atlantique. Il ira dans la fosse de Java, dans l'océan Indien. La fosse des Mariannes, évidemment, donc celle de tous les records, dans l'océan Pacifique. Et il devrait finir avec la fosse Molloy, qui est dans l'océan Arctique. C'est le point le plus profond de l'océan Arctique. Alors c'est quelque chose pour... sans doute, lui, il va s'encanailler comme ça. Mais il est associé à des laboratoires, à l'université de Newcastle au Royaume-Uni. Puisque l'idée, c'est aussi d'aller... explorer un environnement que les scientifiques ne connaissent pas, de ramener des échantillons divers et variés qui seront puisés au fond, au niveau du plancher océanique, puisque le bathyscaphe, il est équipé de 3 petits atterrisseurs. On parle d'atterrisseurs comme les atterrisseurs martiens, qui sont des dispositifs qui viennent se poser au fond, enfin sur la surface de Mars, là, ils viendront se poser au fond de l'océan pour aller récolter des échantillons peut-être organiques, des échantillons de minéraux, et les ramener jusqu'à la surface. Puisque évidemment, ce bathyscaphe, il a quand même un fil à la patte. Il est relié à un navire qui est en surface, qui va organiser un petit peu tout ça, qui est un ancien navire scientifique américain, qui est équipé de labos, de dispositifs qui permettront d'étudier dès la remontée des échantillons ce qui aura été vu au fond, mais qui permettra aussi de les maintenir congelés pour les ramener sur Terre dans des endroits où les infrastructures seront plus importantes. Tout ça, ça veut dire que comme cette campagne elle va avoir lieu dans les 11 mois qui viennent, on peut s'attendre à des résultats sans doute forcément étonnants. Quand 99% des océans sont inconnus, ça va être forcément étonnant ce qui va être ramené sur les conditions de vie, sur ce à quoi ressemble le fond de nos océans terrestres. Mais c'est que c'est pas juste pour la performance, il y a aussi un peu de science qui l'accompagne, et c'est tant mieux. Il y a alors un autre projet, je sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en inquiéter, mais parce que celui-là peut avoir une dimension militaire, et un projet de base sous-marine à plus de 5000 mètres qui serait développé par la Chine. Voilà, c'est pas le Japon là, c'est la Chine. Et alors c'est une info, c'est toujours pareil avec la Chine, les infos sont très parcellaires, ils lancent des ballons d'essai, je sais pas, pour voir comment c'est reçu. Et c'est une info qui a été publiée par le South China Morning Post qui relate une visite qui date de novembre 2018, où le président chinois Xi Jinping a visité l'Académie des sciences de Chine. Et là, il a lancé, alors en plus le projet s'appelle Hadès, le dieu le grec des enfers, donc c'est pas non plus très sympa. Et ce projet consiste en la création d'une base sous-marine à 5400 mètres de profondeur, donc juste à la lisière de ces fosses qu'on appelle les fosses Adal. C'est entre 6000 et 11000 mètres de profondeur. Donc là, il serait juste à la lisière et il voudrait construire ça dans la fosse de Manille. Alors la fosse de Manille, c'est en mer de Chine méridionale. C'est dans un endroit où les plaques tectoniques eurasiennes et océaniques se rencontrent, se frictionnent, se fritent, je ne sais pas comment dire. Et en tout cas, ça génère très régulièrement des tremblements de terre, et ces tremblements de terre sont la source de tsunamis en surface qui peuvent avoir des incidences quand ils arrivent sur les rives chinoises. Donc ça a un sens d'un point de vue de la gestion du territoire de faire ça. En revanche, il y a quand même là aussi il y a un glaive qui flotte là au-dessus de, une épée de Damoclès au-dessus de ce projet, parce qu'on ne sait pas exactement où ça va être construit. Or, on est là dans une zone qui est intercalaire entre les Philippines et Taïwan. Les Philippines sont un pays qui est acquis, dit l'amiral qui est interrogé par notre journaliste Sylvie Rouat, puisque ça c'est un papier de Science et Avenir, dit les Philippines sont acquis à la Chine, donc de toute façon ils sont d'accord pour construire, si c'est dans ce détroit de Bashi, ça s'appelle le détroit de Bashi. En revanche, s'ils vont construire juste à côté, dans une région qui appartient, qui est une zone économique qui appartient à Taïwan, dont la Chine dit qu'elle est une de ces régions, mais qui se vit et qui déclare son indépendance, ça risque d'avoir des incidences très très importantes. Cette base, ce serait, on sait exactement, parce qu'on parle évidemment, il est question qu'elle puisse avoir un usage militaire, mais ce serait une base qui serait une base automatisée, ce serait une base habitée, ce serait une base, un point de départ pour des missions plus profondes, on en sait un peu plus. Là aussi, les infos viennent de la presse chinoise, et ce qu'ils disent, c'est qu'ils plaident plutôt pour une base automatisée. Alors, effectivement, là encore, on parle d'intelligence artificielle. Elle serait bardée de dispositifs d'intelligence artificielle qui permettraient une sorte de premier filtre pour analyser les données qui seraient récoltées dans cette base. Parce que là aussi, cette base constituerait une sorte de port, de rampe de décollage, de départ pour à nouveau des drones, des petits sous-marins vide évidemment, hein, complètement automatisé, qui irait, à l'instar des petits robots dont je parlais tout à l'heure, du Batiscaf de l'aventurier américain, ces petits drones pourraient aller de ci, de là, enfin, ils pourraient plonger encore plus profondément, ramener des échantillons chimiques, organiques, etc. Le fond de la fosse de Manille est parsemé de cheminées volcaniques, qui hydrothermales, voilà, qui expulse des composés qui sont constitutifs de du plancher océanique. Donc, en grappillant des éléments qui viennent de ces cheminées, on pourrait avoir des informations sur la constitution de ces fonds. Et puis, dernier projet en date, c'est une compétition cette fois qui permettrait justement de cartographier un peu ces fonds marins qu'on connaît si mal. Compétition américaine cette fois, qui s'appelle le Shell Ocean Discovery X Prize. Et c'est particulièrement d'actualité parce qu'on saura à la fin du mois de mars quel est le projet gagnant. Ils vont quand même le doter de 7 millions de dollars. Effectivement, c'est pour faire un tracé bathymétrique, c'est-à-dire déterminer le relief des fonds océaniques et parfaire cette méconnaissance qu'on a des reliefs sous-marins. Aujourd'hui, au départ, ils étaient 19. Il y avait 19 projets universitaires de par le monde. Il n'y a pas de français. Mais C'est quoi l'appel à projet? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quel cahier des charges? Alors, le cahier des charges, là, il a été bien raffiné, précisé très récemment, puisqu'ils ont délimité une zone de 500 km² au large de la Grèce. Et le but du jeu pour les 9 équipes qui restaient en ligne, c'était de plonger et d'aller en 24 heures pour obtenir une cartographie la plus précise possible de au moins 250 km² de ce relief sous-marin. Et à l'aide, là aussi, de robots complètement autonomes, automatisés. Il n'est pas question d'embarquer des plongeurs ou des scientifiques dans ces véhicules. Les équipes choisissent des techniques différentes et il y a par exemple dans le papier de Sylvie Roat de Sciences et Avenir, on cite l'équipe allemande des Argonautes, ils ont pris le nom là aussi, référence mythologique des Argonautes. Eux par exemple sont partis sur une approche de robots en essaim, 5 robots qui plongent, 5 robots qui restent en surface et qui vont plutôt jouer un rôle de GPS, d'orientation pour organiser le dialogue entre ces espions sous-marins et toutes les infrastructures scientifiques qui, évidemment, elles sont sur le rivage ou dans un bateau un peu plus loin, quoi. L'objectif le final de cette compétition, c'est d'arriver à une cartographie complète de tout le plancher océanique d'ici 2030, ce qui est quand même assez ambitieux. C'est extrêmement ambitieux, hein. Il est assez illusoire de penser qu'ils y arriveront d'ici 2030, mais ils peuvent ouvrir une brèche, et en tout cas, c'est aussi un signe de ce que les frontières à conquérir, elles sont pas forcément au-dessus de nos têtes, mais elles sont aussi sous nos pieds, quoi. Guillaume, par rapport à ça, par rapport à une cartographie totale des territoires sous-marins, on voit bien que pour les territoires émergés, si on avait juste échantillonné 5%, si on était tombé sur un désert, et ben on pourrait louper complètement qu'il y a des glaciers et de la forêt amazonienne ou des trucs comme ça. Quelle diversité il y a dans le sous-sol des océans? Je pense il y a les dorsales, il y a les planchers océaniques, mais est-ce que En échantillonnant quelques sites bien choisis, est-ce qu'on n'aurait pas un échantillon représentatif de finalement tout ce qu'on y trouve et ça suffirait? C'est une vraie question. Il faut bien choisir les lieux. Il faut faire un maillage qui sera le plus précis, le plus fin possible. Parce que effectivement, quand une telle quantité de territoire est, demeure inconnue, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce qu'enfin on verra jaillir le fameux mégalodon on va retrouver Rliez, la cité enfouie où dort Toulouse. Absolument, voilà. C'est la question vraiment du maillage qui devra être le plus. L'idée, c'est pas de cartographier la totalité, mais d'avoir le prisme le plus restreint possible. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et cette question essentielle pour conclure ce tour de table du vendredi, quoi de plus passionnant que la vidéo d'une flèche qui traverse une pastèque, d'une goutte d'eau qui s'écrase sur une table ou d'un ballon qui explose, tout ça au très très très grand ralenti. Je vous assure qu'on peut y passer des heures, moi-même j'y ai passé un certain nombre d'heures en préparant cette émission. Alors quoi de plus passionnant évidemment, à part bien sûr un chat qui joue du piano, mais ça c'est hors compétition. Eh bien rien, on aime beaucoup les vidéos au ralenti, on adore ça, on peut y passer des heures, comme celle que propose la chaîne YouTube The Slow Mo Guys. Et Guillaume, vous êtes peut-être celui d'entre nous qui y passe plus de 24 heures par semaine à regarder des vidéos de choses ralenties. Oui, oui, et pas seulement pour regarder, pour le plaisir de voir une pastèque transpercée par une flèche, mais c'est, aussi... C'est très très beau. C'est très très beau, c'est très satisfaisant. Très toujours, satisfaisant, en fait. C'est incroyablement satisfaisant, vous imaginez même pas. Essayez, vous allez voir. Oh, écoutez la fin de l'émission d'abord. Mais c'est aussi quelque chose qui fait fondamentalement beaucoup avancer la recherche. Il y a des domaines où l'observation visuelle des phénomènes nous donne encore beaucoup d'informations et permet de faire avancer la science. On peut penser par exemple au tout début, à la fin du 19e siècle, les premières questions, enfin on avait des débats philosophiques comme ça, pourquoi est-ce qu'un chat retombe toujours sur ses quatre pattes? Pourquoi est-ce que quand un cheval est au galop, est-ce qu'il y a un moment où il a ses quatre sabots qui ne touchent pas le sol? Et ben ça, c'était des questions que l'observation visuelle directe en ralentissant la nature nous a permis de répondre. C'était des pionniers de la caméra rapide. Aujourd'hui, c'est utilisé beaucoup pour le sport, par exemple, pour faire des ralentis dans l'industrie, quand on fait des crash tests de voitures et qu'on veut voir comment elles se déforment, mais aussi en recherche. Et donc, moi, par exemple, quand je fais de la microfluidique dans mon laboratoire, j'ai besoin d'une caméra rapide qui observe à 10 000 images par seconde, parce que je travaille sur des tout petits écoulements qui vont très très vite. Sans ça, je peux pas voir ce qui se passe dans ma manip. On est toujours à la recherche d'instruments plus perfectionnés ou qui coûtent moins cher, voire les deux. Et là, parce que c'est vrai que les caméras ralenties, les caméras à grande vitesse, ça coûte très très cher. Voilà, c'est pas à la portée, c'est pas à la portée de tout le monde. Et puis plus on veut ralentir, et plus ça coûte cher. Tout à fait. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros, typiquement ce genre d'objet. Et fondamentalement, ce qui est important, c'est qu'on génère une quantité de données astronomiques avec ces caméras-là. Un appareil photo normal ne peut pas traiter toutes ces données, ne peut pas les stocker en temps réel, et donc il est limité dans la quantité de données qu'il peut acquérir. Une image, en fait, c'est 4 composantes principales, c'est sa longueur et sa largeur. Donc ça, c'est quand vous multipliez les deux, vous avez la résolution. On parle de résolution Full HD, par exemple, sur YouTube. 4K, etc. 4K, voilà. Puis vous avez la fréquence d'image, le nombre d'images par seconde. Alors ça, c'est au cinéma, ça va être 24 images par seconde. Votre iPhone, il peut ralentir, il peut filmer des choses jusqu'à 250 images par seconde, par exemple. C'est ralenti 10 fois quand on rejoue ensuite ces images à la fréquence cinéma. Et moi, il me faut 10 000 images par seconde où, quand on veut voir des choses extrêmement rapides, des éclairs, des propagations de fissures dans le verre, quelque chose d'extrêmement soudain, il faut 100 000 images par seconde, 1 million d'images par seconde. Et on imagine le poids que ça représente, évidemment, plus on veut d'images et plus c'est lourd et plus c'est des quantités importantes et voilà. D'informations à traiter. Et donc, souvent, le paradigme, en fait, dans l'imagerie à haute vitesse, c'est il faut sacrifier un des deux paramètres. Il y a un équilibre qu'on peut pas, enfin, qui est la mémoire de la caméra. Et donc, soit on va lentement et on a des images bien résolues. C'est souvent ce qu'ils font dans le sport. Ils privilégient la résolution 4K, mais avec, parce que on est en train de regarder des mouvements humains, donc c'est bon, on a besoin de, allez, à tout casser 1000 images par seconde. Ou en recherche, on fait l'inverse. Et donc, on prend des résolutions toutes moches et on va très vite. Et donc, quand nous, avec mes collègues Mathias, Quentin, du projet Lutetium, on fait des vidéos en utilisant le matériel des chercheurs, on est tout le temps énervé parce que ils nous sortent des vidéos qui sont toutes moches et qui ont été optimisées pour voir le phénomène physique, mais qui sont pas forcément jolies, qui sont pas forcément esthétiques. Voilà. Qui sont toutes petites, en mauvaise résolution. Et donc, mais ça va changer. Ça pourrait changer. Ça pourrait changer grâce à une étude qui est sortie il y a 15 jours dans le journal Optics Express par des physiciens vient de l'EPFL donc en Suisse et de Harvard qui ont trouvé une manière de contourner un peu cette dualité qu'on a toujours en jouant sur le quatrième paramètre des images qui est finalement leur dynamique. Alors la dynamique d'une image c'est en gros ça va être la profondeur d'une certaine manière. La plage dynamique c'est le nombre de nuances d'intensité qu'on peut coller dans chaque pixel. Donc prenons une image en noir et blanc par exemple. Vous avez un pixel, il peut être noir ou il peut être blanc, donc ça va être une valeur de 0, une valeur de 1, mais il peut être aussi gris et il peut pas être n'importe quel gris. Comme on est avec un système numérique, il va pouvoir avoir des nuances de gris qui varient par petits incréments et ces incréments sont quantifiés. Sur les ordinateurs et tout autour de nous, on travaille souvent avec des incréments qui sont 256. Enfin, cet intervalle est divisé en 256 parce que on code l'information sur un octet de données et donc on a 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 valeurs possibles. C'est pas 50 nuances de gris, c'est 256. Voilà. Et c'est beaucoup moins coquin. Cette information, ça génère beaucoup de données aussi. Certains appareils photo modernes ont encode de l'information jusqu'à sur 2 octets, donc 2 puissance 16, et ça fait 65 000 valeurs possibles. Donc ça génère énormément d'informations. Et donc ces physiciens se sont attaqués à un problème, se sont dit, quand on observe une certaine classe de phénomènes physiques, on n'a pas besoin de toute cette information dynamique. Ils ont regardé des phénomènes qui sont binaires, c'est-à-dire qui passent d'un état à un autre, donc il y a deux valeurs possibles du phénomène, et qui sont monotones, c'est-à-dire que le front, la transition entre l'état 0 à l'état 1, va toujours se déplacer dans la même direction, elle ne va pas revenir en arrière si elle était en avant. Par exemple ? Eh bien, par exemple, vous avez un matériau dans lequel vous faites une fissure et vous tirez dessus, et vous avez un front de fissure qui se propage. Et donc, on voit une pointe, et souvent ça va très très très vite, c'est souvent des vitesses qui sont comparables à la vitesse du son dans ces matériaux-là, et la formation de... Juste la forme de la déchirure, de la pointe de la fissure, donne énormément d'informations sur les contraintes qui sont dedans, la façon dont le matériau va se déchirer. Et donc, juste la visualisation de ce front de déchirure est quelque chose qui apporte beaucoup d'intérêt pour les physiciens. On a un état déchiré ou un état pas déchiré. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser un appareil photo normal qui a ses 65 000 valeurs de niveau de gris possible et d'en utiliser que deux. Donc, il nous en reste 65 000 moins deux. Et dans tout cela, on peut encoder de l'information spatio-temporelle, c'est-à-dire la cadence d'image et la résolution. On peut garder ça. Et donc, en sacrifiant la dynamique, on va faire des images très moches, c'est-à-dire que ça va être vraiment des choses qui sont noires ou blanches. Mais avec ça, on peut monter à des centaines de milliers d'images par seconde, voire des millions d'images par seconde, en utilisant une caméra qu'on trouve sur votre smartphone, ce genre de choses. Et donc, ça va pas faire la une d'une vidéo YouTube, parce que ce sera justement binaire, donc pas joli à regarder, mais ça peut, dans certaines catégories de problèmes, être un outil extrêmement intéressant pour les physiciens. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça rend ces outils-là accessibles à moins de frais, et c'est ça qui est important. Voilà, parce qu'après, on peut imaginer que ça devienne disponible, si l'algorithme est facile à mettre en place, eh ben, on peut distribuer le code en open source et le faire en sorte que dans les écoles, on transforme les smartphones des élèves en caméras rapides pour étudier la déchirure du scotch ou l'impact d'une goutte sur une surface et que ça rende la science plus accessible. En fait, ça fait un peu partie d'un mouvement qui s'étend depuis quelques années qu'on appelle la science frugale, qui est, entre guillemets, faire mieux avec moins ou faire plus intelligemment avec les ressources dont on dispose. C'est-à-dire que quand on a la possibilité d'avoir recours à des équipements moins onéreux, eh bien, on va inventer une méthode pour que ce soit le cas. Par exemple, il y a une équipe d'un physicien qui est assez médiatique aux États-Unis qui s'appelle Manu Prakash qui a inventé le Foldscope, c'est un microscope fait en origami et ça coûte 50 centimes. Donc avec ça, vous pouvez grossir 200 fois. Ça tient dans une enveloppe en papier. C'est résistant à une personne qui marche dessus ou à être jetée ou du haut d'un immeuble ou à être. Ce qu'on fait souvent avec les microscopes en laboratoire, voilà. Hein, de les jeter du haut des immeubles, c'est une pratique courante des scientifiques. Je fais tout le temps ça. Oui. C'est pour ça que vous partez aux États-Unis. Vous êtes recherché. Moi dans mon labo. Ils veulent plus, c'est ça. Ouais. Vous avez coûté trop cher. Microscope. Ouais. Et donc il y a ça, il y a aussi la microfluidique papier par exemple, faire des écoulements au lieu de faire des puces microfluidiques qui coûtent cher, qui ont besoin de salles blanches, etc. extrêmement propre d'un laboratoire qui doit être aux normes de ce que permet la recherche occidentale d'une certaine manière. Quand on fait des mesures sur le terrain, quand on fait du dépistage d'épidémies dans des pays qui n'ont pas ces équipements, eh bien on peut se permettre de juste avoir une petite bandelette de papier qui vient faire un test, qui vient dire avec un indicateur coloré est-ce que ce virus est présent ou pas dans un échantillon biologique. Donc voilà, ça fait une méthode de plus à l'arsenal des physiciens pour faire leurs expériences à moindre frais, et je pense que c'est intéressant. Et puis c'est aussi la marque d'un bon expérimentateur que de se poser la question de quel est cet instrument que j'utilise tous les jours, est-ce que j'ai moyen, comment est-ce que je le comprends à fond, et est-ce que j'ai moyen de l'optimiser pour lui faire faire quelque chose qu'il n'a pas été conçu pour, et en tirer le meilleur parti en fait. Merci beaucoup Guillaume. On arrive à la fin de cette émission. Juste comme d'habitude, un petit tour de table. Est-ce qu'il y a d'autres informations scientifiques dont nous n'avons pas parlé, qui vous semblent importantes à relever, Cécile ? Petite étude publiée par l'Université du Michigan qui montre que quand vous êtes vraiment accro à Facebook, ça obère vos capacités de prise de décision et vos capacités d'apprendre de vos erreurs. Voilà. Donc en fait, ils ont fait un petit test avec des gens très accros parce qu'ils répondaient positifs au test d'addiction. Et voilà, et qui montrait que on leur faisait faire un petit jeu de stratégie et ils étaient incapables de prendre les bonnes décisions et d'apprendre de leurs erreurs. Voilà, à bon entendeur. Olivier. Vous savez qu'il y a plus qu'une seule façon pour les astronautes d'aller sur la station spatiale internationale depuis la disparition de la navette américaine en 2011, c'est d'utiliser un Soyouz russe. Mais il y a une semaine à peu près, la capsule Dragon de SpaceX de l'inévitable Elon Musk a parfaitement réussi son test à vide, c'est-à-dire que ça ne transportait qu'un mannequin qu'il avait appelé Ripley d'ailleurs en hommage à Alien. Mais ça s'est très bien passé. Donc on sait que dans les mois qui viennent, pour la première fois depuis fort longtemps, les Américains vont bénéficier de leur propre taxi pour l'ISS. Et évidemment, c'est un vol qui va être scruté au millimètre. Guillaume, vous connaissez Pierre Curie pour ses travaux sur la radioactivité qu'il a fait avec sa femme Marie, mais il est aussi responsable de lois très importantes dans la physique du magnétisme. Et en ce moment même, ce vendredi, à l'ESPCI, on a une journée spéciale sur Pierre Curie et le magnétisme, où on a en fait remis en service une ancienne expérience de Pierre Curie sur le magnétisme des gaz qui date de la fin du 19e siècle. Elle fonctionne à nouveau et elle va être disponible pour être visible dans le musée de vulgarisation scientifique de l'ESPCI, l'espace des sciences périls de Gênes. Et donc ça va être c'est génial. Je vous avais parlé d'un périliomètre il y a quelques émissions ici, qui était un instrument qu'on avait aussi refait fonctionner. Tout à fait. Il y a un instrument de plus historique dans la collection de l'ESPCI. Super. Qui fonctionne. Et ben, on va vous mettre les liens et puis on ira voir ça avec intérêt. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à la une de Science et Avenir, Olivier. Alors on a notre hors-série qui vient de sortir, Égypte, l'invention de l'éternité, qui parle notamment de l'expo événement sur Toutankhamon. À la une de Pour la Science, Cécile. On vente encore jusqu'à mardi prochain seulement. Carence, hormones, inflammation, les causes insoupçonnées de la dépression. Vous apprendrez que la dépression grave peut être due à de simples carences en vitamine B. Et il semblerait qu'il y ait à peu près 10% des diagnostics de maladies mentales qui soient dus à ce genre de causes biologiques et non pas de troubles mentaux. Et Guillaume, sur le projet Lutetium. Ouais, alors nous, ça fait 2 ans qu'on n'a pas sorti une vidéo. Il paraît que c'est difficile de faire une thèse et que ça demande beaucoup de temps. Mais voilà, on vous promet une saison 2 avec 12 vidéos nouvelles qui vont sortir, une douzaine de vidéos qui va sortir très bientôt. Et il paraît que, bon voyage, vous partez chez Lovecraft, on parlait de Cthulhu tout à l'heure, vous allez chez les profonds. Vous allez étudier avec des ouïes. L'hydrodynamique des fluides actifs. Chez les profonds. Voilà. Bon, courage, vous faites pas manger quand même. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, à Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Ville-France, Céline Lozen et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Cédric Chatelus à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous essaierons de comprendre ce qui fait la différence entre les différents règnes animal, végétal, fungi et les autres. Mardi, nous aurons le privilège et la chance de recevoir Jean-Pierre Luminet. Mercredi, on parlera des 30 ans du web et ce qu'il a trahi ses idéaux. Jeudi, nous raconterons l'histoire des antivax. Et vendredi, ce sera un vendredi un peu spécial puisque nous aurons le privilège et l'honneur d'un entretien exclusif avec un scientifique extrêmement rare et de très grand renom. Je garde un peu le suspense. Demain à 16h, ce sera la conversation scientifique d'Étienne Klein. Nous on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.